magicien, moitié roi et moitié rien. Il traînait sur les chemins de sa liberté. Une nuit à tout parler, une nuit à écouter, une nuit à s'enivrer, à ne plus penser. Mais j'aimais un fou, j'avais raison. Je ne chantais plus que sa chanson. J'étais folle, mais c'était bon. Il partait pendant des jours, moi j'attendais son retour, car il revenait toujours de ses rêveries. On s'aimait à en crever, on s'aimait à s'étouffer, on s'aimait à en brûler des millions de nuits. Mais j'aimais un fou, j'avais raison. Je ne chantais plus que sa chanson. J'étais folle, mais c'était bon. Il a dû se perdre un soir, s'égarer dans le brouillard. Il doit être quelque part et rêver d'ailleurs. Je l'oublie avec quelqu'un, moitié sage, moitié rien, qui ne prend que des chemins qu'il connaît par cœur. Mais j'aimais un fou, j'avais raison. Je ne chantais plus que sa chanson. J'étais folle, mais c'était bon. Vagabond et musicien, moitié roi et moitié rien, il traînait sur les chemins de mes îles.